Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le numéro 249 de Comic Stories. Numérotation qui pourrait vous paraître un petit peu étrange, vous en aurez l'explication juste après le générique. Je suis Mathieu et vous allez donc écouter le 249e numéro de Comic Stories. Cette semaine, Arnaud. Salut. Et Léo. Bah. Il a changé de voix, Léo. Ce n'était pas Léo. Bah, j'ai même pas répondu. Bah non, mais il y a eu un bip à la place. Hein, donc, bon, Ah bon. Bah, alors, salut. Allez, rapidement, enfin, ou pas, on va quand même prendre le temps de l'expliquer un peu normalement. Pourquoi Comic Stories 249? Pourquoi vous n'avez pas eu de mag depuis 2-3 semaines? Pourquoi vous n'avez pas eu de sur nos écrans depuis 2 ou 3 semaines? Tout simplement parce que ces deux émissions vont s'arrêter, enfin sont arrêtées, se terminent. Et nous allons revenir à juste des émissions intitulées Comic Stories. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, raison personnelle pour ma part, hein, c'est moi qui suis à l'origine de cette décision, tout simplement consacrer un dimanche après-midi à préparer des contenus, la soirée de tous les dimanches soirs à enregistrer plusieurs émissions, plus les plusieurs soirées de montage, de mise en ligne, etc. Bah, juste au bout de 3 années à faire ça toutes les semaines, sans interruption quasiment, ça commençait à être un peu pesant et ben clairement hein, le plaisir de faire tout ça était bien moins présent. Donc, mais les podcasts sont quand même des choses que j'ai envie de continuer, qu'on a envie de continuer, que nous allons continuer. Ça c'est clair. Il n'y aura donc plus de podcasts intitulés Le Mag, plus de sur nos écrans. On continue les podcasts avec une numérotation unique. Donc on reprend au 249 puisque c'est la 249e émission que vous écoutez aujourd'hui. Donc nous en sommes au Comic Stories 249. Nous allons enregistrer moins souvent, des émissions peut-être un peu plus longues, elles ne dureront plus une demi-heure 40 minutes comme avant, mais elles seront peut-être plus proches d'un format d'une heure. Donc voilà pour ce qui va changer pour nous. Ce qui va changer pour nous, c'est la fréquence des enregistrements et des montages, des diffusions. Ce qui va changer pour vous, c'est le nombre d'émissions que vous aurez dans une semaine, et même plutôt dans un mois maintenant, puisqu'on va plutôt partir sur 2 à 3 émissions dans le mois, dont une nouvelle que vous découvrirez très rapidement, parce qu'elle est prête à être diffusée. Une nouvelle qui sera consacrée à des reviews de comics entièrement, mais ça, on en parle à la fin de l'émission. Donc voilà la raison de cette nouvelle numérotation et de notre absence de ces dernières semaines. On sera là peut-être un peu moins souvent, mais on continue tout de même à être là. Et on va donc commencer le programme de ce Comic Stories 249. On a prévu de vous parler de New Frontier, le film d'animation Justice League New Frontier. On avait prévu de vous faire ça dans un rétro de sur nos écrans. Bah, ça sera finalement dans un Comic Stories classique. Mais c'est quelque chose dont on avait envie de vous parler, notamment suite au décès cette année de Darwin Cook. On vous dira sans doute 2 mots sur Luke Cage, qui a terminé, qui n'a pas terminé, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en pense. Et puis, on aura peut-être quelques actus un peu brûlantes dont on a envie de parler. Voilà, pour le programme de cette émission. Allez, on commence. Avec quoi vous voulez commencer? Ah bah, c'est la question de merde. peut-être par dire 2 mots de la mort de Steve Dillon? Déjà. Donc, c'est quand même, voilà, parce qu'on va enchaîner sur l'œuvre d'un défunt artiste et ben on va commencer avec le décès de Steve Dillon qui a eu lieu ce week-end. Steve Dillon, le co-créateur de Preacher, hein, le dessinateur de la série Preacher, qui a beaucoup travaillé aussi sur The Punisher notamment. Enfin, il est connu principalement pour ces deux travaux-là. Voilà, dessinateur hyper talentueux, mort super jeune, voilà, un peu plus d'une cinquantaine d'années. Et donc 2016, décidément, ça pue. Ouais. 2016, ça tue plus la merde, voilà, désolé de te le dire, mais voilà. Et puis du côté de d'autres news qui nous auraient marqué, la Warner qui se fait racheter. Ouais. C'est toi Arnaud qui nous en disait 2 mots avant. Ouais, par AT&T, une société de télécommunications, qui rachète donc Time Warner pour 85 milliards. Ça, juste 85 milliards. Ouais. Donc il récupère la Warner Bros, DC Comics, HBO, TNT, CNN, pas mal de choses. Voilà. Et, tant qu'à être une société de télécommunications, au moins leur améliorer un chouïa leur com, leur apprendre à être un peu Ça, c'est décent dans sûr. l'internet. Alors, malheureusement, télécommunication ne rime pas forcément avec communication tout court. Hein. Oui, c'est bien ce qui Et m'inquiète. ils en parlent pas dans leur. J'ai lu le communiqué de presse, hein, parce que j'ai que ça à foutre de mon dimanche. Et un résumé sur un site. Et ils parlent pas du tout de ça. Quand ils disent télécommunication, c'est parce qu'ils veulent. AT&T, c'est un peu genre le Bouygues américain, si tu veux. C'est un peu ce genre-là. Bah, Et ça, c'est à ça que tu pensais, ouais, quand tu nous as donc parlé. c'est pour vraiment, ça va permettre d'apporter le contenu de Warner partout sur le pays, et plus développer le web et enfin ce qu'ils appellent l'OTT, c'est les chaînes de télé, les programmes de télé sur les plateformes internet sans passer par une chaîne de télé, genre OCS chez nous. Et développer ça et développer aussi les programmes sur les téléphones, amener les programmes sur les mobiles. D'accord. Donc c'est plus cette stratégie-là que vraiment une stratégie de marketing. C'est pas du tout une boîte de marketing. Voilà, donc bah, un rachat dont on entendra parler, je pense, dans les prochaines semaines, et qui devrait peut-être faire bouger les choses. Peut-être qu'on va avoir une restructuration et que certaines têtes peuvent tomber à l'occasion de ce rachat. Rien Ce n'est. serait bien, mais apparemment les creative executives resteraient à la tête. Il n'y aurait Ouais, pas de changement à ce niveau-là. pour le moment, mais c'est toujours ce qui est Pour le dit moment. dans les cas de rachat. Et au final, quelques mois après, il y a toujours des changements de tête. Donc, on suivra ça. Peut-être. Surtout que le rachat n'est pas encore fait, puisque avec un rachat de cette taille, il y a une commission qui doit passer derrière pour J'imagine bien, mais 85 vérifier. milliards. Voilà. D'ici là, ils auront le temps de sortir encore un film de merde. Un ou deux, ouais. Bah voilà pour les choses vraiment fraîches là qui sont tombées ce week-end. Miller viré de Deadpool quand même, enfin c'est. Alors viré au départ, on sait pas. Voilà, parce que lui Oui. dit que c'est un départ d'un commun accord, qu'il se quitte pas en mauvais termes et que Bah, voilà, il peut pas. d'après un article que j'ai lu, donc il avait des différends créatifs avec Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, puisque Ryan Reynolds voulait plus faire une suite axée sur l'humour gras et vulgaire, alors que lui voulait faire un truc plus stylisé, c'est le mot qui était employé. Je pense qu'il voulait faire quelque chose de mieux construit, de plus cinématographique. Hein. Et donc Reynolds, lui, n'était pas d'accord sur le ton que devait prendre cette suite. Et en plus, Tim Miller voulait Kyle Chandler pour jouer Cable. Kyle Chandler qui est dans la série Bloodline sur Netflix ou qui a joué dans. Et qui a d'ailleurs remporté un Emmy pour Bah, Friday qui a Night joué Lights. dans Friday Night Lights. Oui, ce que je viens de dire. Ah, je l'ai pas entendu. Ah, Il a gagné un Emmy dans Friday Night Lights, pour Friday Night Lights. Et justement, donc il voulait cet acteur-là. C'était en rumeur depuis des mois. Sauf que Ryan Reynolds ne veut pas. Parce qu'il a peur qu'il lui fasse de l'ombre, je sais pas. Et du coup, comme Ryan Reynolds a négocié des droits de regard sur tout ce qui est créatif au moment de signer pour la suite, donc les décisions créatives ne peuvent pas se prendre sans son consentement. Et en plus, le studio veut pas perdre sa star. Donc, il a peut-être pas été viré, mais en gros, on lui a dit soit tu es d'accord avec lui, soit le studio te dégage. Voilà. Donc, soit il a été viré, soit il a dit bah vous êtes pas d'accord avec moi, bah je pars. Voilà. Après, c'est des choses qui sont en toute transparence. On sent pas trop ni d'amertume ni de rancœur dans ce qui est dit d'un côté et de l'autre. Non. Voilà, ça a l'air de plutôt d'être un divorce à l'amiable, quoi. C'est pas. Mais apparemment, ils ont, d'après les bruits de rumeurs qu'ils disaient, ils n'ont jamais été d'accord, même sur le premier. Ça restait très professionnel et poli, mais c'était pas une grande amitié. Et puis, mais enfin, je trouve que c'est quand même assez dégueulasse, c'est la manière dont, certes, en apparence, ça reste un petit peu poli, mais quand même, le premier film, on le doit aussi en partie grâce à Tim Miller et à la manière dont il a eu d'imaginer son film grâce à son background de comment de Dans les effets spéciaux, que oui c'est lui voilà qui a mis ce. de enfin je sais pas le terme qu'on le terme qu'on emploie, mais son enfin ce, comme tu dis, son background dans les effets spéciaux, puisqu'il a une boîte d'effets spéciaux qui s'est occupée des effets spéciaux du film, puis apparemment une partie aurait été faite gratuitement pour aider Oui. la Fox, donc il était vraiment attaché à son film et au personnage sans doute. Et le voir peut-être dégagé pour ça à cause de différends et privilégier une star plutôt qu'une la vision de son réalisateur ou quoi. Le problème, c'est que l'un et l'autre sont assez différents dans le caractère. Lui, il est plus cadré, il veut faire un truc plus léché. Ryan Reynolds, il a envie de s'éclater, etc. Et la personnalité de Ryan Reynolds étant ce qu'elle est, forcément, parfois, ça doit un petit peu sauter. Et là, ça a dû pousser un petit peu trop loin et du coup, ça va sortir. Quelque part, c'est pas entièrement étonnant, mais voilà, faut pas non plus que ça fasse dériver complètement le film, etc., quoi. C'est sûr, mais c'est juste un pas de plus vers ce qu'on voit en ce moment, les studios qui prennent bien le pouvoir et contrôlent les réels, même si ça a toujours été le cas, mais là, Oui, sur ce type de blockbuster, ça devient de pire en pire. on avait plus l'habitude de le voir du côté de la Warner Oui, ces derniers on le mois. savait, puis on le Mais savait la pas forcément, alors que là. Fox, c'est même pas un hasard en plus, hein. Quelque part. Bref, allez, on va continuer à remonter dans le temps petit à petit, et puis du coup, on va finir par New Frontier pour continuer en reculant dans le temps. Et on va dire deux mots de Luke Cage. Oui, D'abord, qui l'a deux, ça terminé? sera super. Moi, j'ai Qui l'a fini. terminé? Léo, tu l'as Non. terminé, moi aussi, et Arnaud, non. Non, je. Bah, comme je l'ai. Je sais plus, on en avait déjà parlé dans un Ouais. dernier sur nos écrans. Là, sur le... Mais comme je l'avais peut-être dit dans un sur nos écrans précédent, j'avais vu les 7 premiers une semaine avant la sortie. J'ai regardé le 8e le jour de la sortie sur Netflix. Et depuis le 30 septembre, je suis bloqué à ce 8e épisode. Alors avant qu'on donne Allez. notre avis sans spoiler sur la saison complète, bah peut-être tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas été au-delà du 8e. Alors déjà c'est une question de temps. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais sans doute terminé. Mais j'ai pas le temps et du coup je fais des choix et Luke j'ai vraiment tout en bas. Pour vous dire, je suis en retard sur Flash, Supergirl et Agents of Shield aussi. Donc j'ai beaucoup de retard et donc Luke Cage passe vraiment tout en dernier. Et pourquoi? Bah parce que j'ai trouvé déjà les 7, 8, le 8e était un peu différent, mais en tout cas sur les 7 premiers déjà j'ai trouvé que ça se répétait déjà beaucoup. Ils ont fait le tour, ils avaient fait le tour en peut-être 5 épisodes, voire moins. Et je sais pas, c'est lent, les dialogues sont parfois très mal écrits, il se passe pas énormément de choses. Et même si le rythme peut être très lent, tu peux quand même avoir un développement des intrigues et des personnages. Et là, c'était pas le cas, je me faisais chier. Et ce tournant au 8e à la fin du 7e, Du slap, ouais. qui m'a captivé, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'a en tout cas intrigué. Je me suis dit, il va peut-être passer quelque chose dans la suite. Et il se forme quelque chose dans le 8e, mais c'était pas non plus la révolution. Et du coup, bah, j'ai mis sur pause un certain temps. Et Et puis ce certain temps est devenu maintenant bientôt voilà. Et 4. maintenant, j'ai même plus le temps, donc la pause elle est indéfinie, quoi. Alors Léo, toi tu as fini. Sans spoiler Arnaud qui peut-être terminera un jour, sans spoiler non plus les auditeurs qui n'ont peut-être pas terminé parce que peut-être certains prennent leur temps. Est-ce que tu es du même avis qu'Arnaud sur maintenant que toi tu as vu la saison globale? Je tâche pas à spoiler. Moi, j'ai aimé parce que ça reste du Marvel Netflix assez haut de gamme. Il y a quand même du niveau. C'est quand même assez léché. C'est pas trop mal foutu. J'aime bien Mike Colter dans le rôle. Il y avait des bons éléments. Il y a des personnages qui sont bien. Voilà. Ça reste mieux, à mon sens, que beaucoup de l'offre super-héroïque à la télévision, surtout avec les débuts d'Agents of Shield, de Flash. Les déboires d'Arrow, etc. Enfin, Marvel Netflix fait toujours un meilleur boulot, c'est sûr. Après, Luke Cage, le problème déjà, c'est que c'est venu après Daredevil et Jessica Jones et que c'était quand même des grandes réussites. Et donc bon, ils ont eu un peu de mal, surtout que, enfin, faire connaître Luke Cage, etc. C'était un grand défi. Mais alors, il y a en effet ce tournant dont parlait Arnaud, donc que je ne spoilerai pas. Il y a un tournant. J'ai été très surpris. Je me suis dit bon, bah ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Le problème, c'est que dans la suite, ils sortent un autre atout de leur manche et tu te dis, mais tout ça pour ça. Et en fait, ce tournant-là est super mal négocié alors que ça aurait pu éventuellement participer d'une grande évolution de la personnalité de Luke Cage, etc., de plein d'autres trucs, alors qu'au fond, c'est du déjà vu. Et ça m'a assez déçu. Et surtout, je trouvais ça relativement indigne de la part de Marvel Netflix par rapport à ce qu'ils nous avaient proposé dans Jessica Jones avec la relation entre Kilgrave et Jessica qui prenait pendant 13 épisodes, Daredevil avec le retour d'Elektra, la relation à Wilson Fisk, etc. Et là, Luke Cage, ils font un choix qui me paraît surprenant. À cet épisode et qui est mal géré. Et ensuite, l'autre gros défaut que j'ai trouvé à Luke Cage, c'est qu'ils ont dit en préambule du lancement de la série qu'ils ne voulaient pas faire une série un peu politique parce que un peu ambiance Black Panthers, Black Lives Matter, etc. Enfin, et voilà, ils ont dit ce sera du divertissement, il n'y a rien de politique, il n'y a rien sur le propos, sur les Noirs, etc. Enfin, ils l'ont assumé. Le Ce qui est problème, dommage. ce qui est complètement con à mon sens, mais alors surtout, là, la chose que ça donne, c'est une série qui ne peut pas se détacher de ce background-là parce que tu fais ça sur Harlem avec les problèmes inhérents à ça, des trucs que Spike Lee a déjà beaucoup exploré dans le passé. Et du coup, tu vois ces trucs-là, ce background politique, etc., qui surgit. Et Luke Cage, comme en effet, ils veulent vraiment rester un divertissement et centrer exclusivement sur Luke Cage et ce qui lui tourne autour, et ben il laisse complètement ça. Du coup, tu as un background complètement artificiel qui tourne autour, ce qui est super dommage, ce qui est une perte considérable en termes de qualité parce que ça aurait pu apporter quelque chose de vraiment vraiment en plus quoi. Et du coup, bah tu as l'impression que tu as une histoire qui navigue dans une espèce d'eau pas d'eau un peu glauque, un peu vague, etc. Et du coup, tu as du mal à définir un peu un univers puisque l'univers est laissé, mais en même temps, il est là. Enfin, il se retrouve dans une espèce de paradoxe de bah, on s'en occupe pas, mais en même temps, ça reste là. Du coup, ça fait plus handicapant qu'autre chose. En vrai, Luke Cage a mal négocié beaucoup de choses, un peu ses personnages, un peu ses dialogues, c'est sûr. Elle a gardé un scénario un peu de qualité quand même. Mais elle aurait nettement pu faire mieux. Et donc j'étais un peu déçu parce que, après ce que j'ai vu avant chez Marvel Netflix, bah, le ton voilà, était plus le même. C'est dommage, mais bon, ils se sont pas non plus écroulés, à mon sens. Non, clairement. Pour ma part, je trouve hein, qu'on est quand même un peu difficile. On nous a, enfin, comparons avec ce qu'on a sur les chaînes télé classiques, on a quand même, effectivement, tu le disais, Léo, du hyper haut de gamme. Mais malgré tout, effectivement, je partage hein, cette espèce de demi-déception, parce qu'effectivement, on a eu Daredevil, on a eu Jessica Jones avant, et que du coup, on commence à être presque un peu des enfants gâtés, quoi, à être habitués à voir des choses sur Netflix hyper qualitatives, bon, sauf sur la fin où ça se casse un peu toujours la gueule. Et là, la courbe, pour moi, elle a été un peu inverse, où le début était effectivement un peu comme Arnaud, je me dis, ah, ouais, ça va être long. 13 épisodes, ça va être super long. Et puis, plus la saison avance, plus j'ai appris à aimer Mike Colter en Luke Cage, d'abord, ce qui n'était pas le cas au début Il de la est saison. bon, hein. Plus j'ai appris à apprécier certains personnages et voilà, et à vouloir en savoir un peu plus. Et du coup, plus la saison avançait, plus la sauce prenait pour moi. Cette espèce de message politique, même s'ils disent on ne veut pas faire ça, etc., enfin, au final, ils ne font que ça. Mais ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le Oui, choix. voilà. Donc du coup, effectivement, au-delà de la com, il y a un truc un peu raté de ce côté-là. On n'était pas habitué. Après, tout ce qui est enrobage visuel, au niveau des, enfin, c'est super joli, c'est du Marvel Netflix, voilà, c'est plutôt bien fait. Ambiance sonore, elle est plutôt bien aussi. Beaucoup beaucoup de musique, certains diront trop, je pense. Mais moi, voilà, ça me plaît Pas plutôt, dérangeant. surtout dans une série qui avance doucement. Voilà, cette musique va un peu nous booster à des moments où on aurait tendance un peu à lâcher prise. Donc, bah, tout ça n'est pas mal. Un humour que moi j'ai apprécié. Oui, c'est C'est un vrai. humour assez intelligent, Ah, il y a de l'humour. assez référencé par moments, assez pince sans rire même. Enfin voilà, C'est quand je dormais. y a quelques petites voilà, qui ne sont pas des blagues comme on a l'habitude de les trouver chez Marvel Studios ou même si on va chez Deadpool ou compagnie. Voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus fin et moi Ah bah. j'ai plutôt apprécié ça. C'est Et sûr que puis c'est des pas des blagues qui références. tombent n'importe comment, comme dans Civil War, hein. C'est ça. Et puis des références voilà, assez intéressantes. Entendre parler de Heroes for Hire, de choses comme ça. Voilà. Y a quelques termes qui sont employés qui font forcément faire écho aux fans du personnage et de toute cette frange-là de l'univers Marvel. Voilà, le bilan est plutôt positif. Ça se casse pas la gueule sur la fin. Je regrette effectivement que cette chose introduite au milieu de la saison, qui est quand même une hyper grande menace, bah, au final. Fast flop, ça c'est voilà, mon gros regret sur la saison, c'est que bah, ils ont réussi à introduire un truc qui, encore une fois, provient de ce putain de même événement dans l'univers Marvel Cinematic Universe. Encore une fois, on est là-dessus. Mais voilà, là, il y avait un truc intéressant à creuser, ça a été exploré, et puis on l'a abandonné parce que au final, c'était peut-être trop fort. C'est Donc bah, con, hein, maintenant, on va se tourner vers Iron Fist. ça. Ouais. Hein, et Mais puis. tu as raison sur un point, c'est qu'en effet, on est devenu dur, on est devenu exigeant parce que on a été habitué à une exigence de qualité et quelque chose de vraiment puissant chez Marvel Netflix. Tu vois, des gens qui ont mis les moyens pour avoir quelque chose qui se tient qualitativement, tu vois, qui n'a rien à voir en termes de moyens et d'investissement avec la CW, ABC, etc. Et là, oui, après être passé, enfin, en passant après deux succès comme Daredevil et Jessica Jones, c'est sûr que Luke Cage devait maintenir la barre. Ça devait pas être facile, donc il faut pas le garder. Enfin, il faut garder ça en tête. Tu vois. Et en se disant ça, c'est sûr que tu vois, on passe pas un mauvais moment devant Luke Cage. C'est quand même vraiment, vraiment bien, bien foutu, etc. C'est juste qu'ils ont pas. Ils n'ont pas su être suffisamment à la hauteur, suffisamment bien creuser quelques filons qu'elle avait pourtant bien trouvés, etc. Elle n'a pas suffisamment creusé aussi, voilà, tout son environnement, son background. Enfin, c'est dommage, quoi. Ça aurait pu être mieux, mais clairement, voilà, faut pas faire la fine bouche, hein, ça reste. Au final, ce qui me manque, voilà, pour exprimer aussi, c'est Luke Cage, c'est quand même Power Man, et je m'attendais à des trucs qui pètent dans tous les sens, des bastons de malade, et au final, à part se prendre des balles qui déchirent son t-shirt, Ouais. il n'y a pas tout ce côté-là hyper explosif que j'espérais voir avec ce personnage-là, qu'on aura peut-être plus tard. Voilà. Mais voilà, ça m'a manqué, et puis ça m'a manqué aussi quand même d'un vilain un peu plus costaud. Original. Un peu plus costaud, original, pourquoi pas aussi, mais voilà. Parce que bon, Cottonmouth, c'est comment? C'est le Kingpin en moins bien. Oui, bah c'est un peu le kingpin du Ouais. pauvre, hein, ça c'est sûr. Mais et Bien puis sûr. même la sénatrice, enfin la sénatrice, la conseillère Dillard. Bah, pendant toute la première partie de saison, elle fout rien. Et puis au final, elle s'avère pas. Voilà. Ok, ça C'est vrai sert que à rien. Shades, il m'a vite un peu agacé, lui, parce que t'as un. Ah, il m'a Bon, supporté, ouais. y a des choses du côté des méchants qui sont pas suffisantes. Ouais, ça, déjà, quand ton méchant est raté, c'est difficile de faire quelque chose de très bien. Mais, alors peut-être qu'Arnaud, toi tu n'en es pas arrivé là, donc on va essayer de le dire sans trop le spoiler, Léo. Mais des 4 saisons qu'on a maintenant à disposition sur Netflix, c'est pour moi la première qui référence autant les autres. C'est vrai, Qui il y a référence autant l'univers Marvel en général, parce que des références sur Thor, sur Captain America, sur les Avengers, sur la guerre civile, sur plein de trucs, il y en a à foison au final, et des références sur les autres séries Netflix, il y en a un. aussi un sacré paquet. Ah oui, sur Jessica Jones, il y en a une tonne. Il y en a Vraiment. pas mal sur Jessica, il y en a pas mal sur un avocat que connaîtrait quelqu'un, Oui, voilà. c'est ça, je l'ai vu. Et voilà. Ça reste des petits clins d'œil. C'est toujours Ah des. là, c'est plus que du clin d'œil. Ah Oh, ouais. Parce il que, y a... comme la phrase que tu disais, là, je connais un avocat ou bah, cette comment ça phrase se va passe depuis Jessica. cette phrase va revenir, hein, de l'avocat, etc. Il y a quand même le personnage qui fait le pont entre toutes les séries et qui est hyper présente dans cette série, surtout la deuxième moitié. Oui, parce que dans la première, elle ne sert pas à grand-chose. J'ai Voilà, mais. trouvé son arrivée tellement artificielle. Mais alors vraiment, il y a une relation qui va se créer avec Luke et quelque chose qui va se passer. Et sa place va devenir de plus en plus grande dans la saison et c'est plutôt cool. Je trouve qu'elle va vachement bien dans cette série, presque mieux que dans Daredevil encore. Et cette histoire, voilà, d'avocat, bah, ne va pas quitter la série, etc. Tant et si bien que bah, la toute fin de saison, on peut se dire que si saison 2 il y a, Why not? voilà. Donc du coup, Pourquoi intéressant. Intéressant. pas? S'il y a un truc qui me ferait continuer, c'est ces crossovers là que tu parles. Bah, voilà. Bon, on ne peut pas te dire ce qui se passe à la fin de la saison parce que ça c'est quand même assez important pour l'avenir des personnages, enfin, du personnage principal en tout cas. Mais du coup, ouais, voilà. Bref, on va pas aller plus loin sur Luke Cage. Ça reste quand même de bon niveau, Ah oui. malgré la petite déception qu'on a sur certains points. Parce que voilà, Ouais. oui, effectivement, venant de Netflix, on attendait peut-être d'autres choses. Un peu mieux, ouais. Mais voilà, mais comparons un peu à ce qu'on a depuis le début de saison sur les autres séries. Ah, ça, parce que. Allez, vas-y, je me lâche parce que parce que tant qu'à faire, si en plus on a annulé l'édition de Grand, tout ça, enfin, on fait des comic stories de temps en temps, donc là je vais en profiter, je vais me lâcher. Je suis mais tellement, tellement en colère contre les autres séries depuis ce début de saison. Flash, tu vois, par exemple, enfin, autant comme tu disais, Luke Cage, c'était référencé, c'était bien foutu, c'était, tu vois, les mecs qui connaissaient le truc, Flash, c'est une honte. C'est une honte, mais pas possible, tellement ce Flashpoint est raté. Il est piétiné, il est foulé aux pieds, il est tout ce que tu veux, mais c'est pas du Flashpoint. Côté Avengers, bon, bref, presque Agents of Shield, quand même, même ce Ghost Rider, voilà, c'est quand même pas, tu vois, ce qu'on s'attendait en termes d'épique, etc. C'est même plus la même série, quoi. On est plusieurs à avoir eu ce sentiment-là de pas avoir la même série. Et puis Legends of Tomorrow qui a repris, et allez, c'est toujours autant la roue Tu pouvais libre. t'arrêter à Legends of Tomorrow, on avait compris. Voilà, le grand n'importe quoi. Donc, Ah non, mais là, c'est quelque chose, quand même. Ah ouais? Là, ils ont monté la barre d'un niveau. Ah non, mais là, Ah, faudra c'est. me raconter après. Non, parce que Arnaud, tu vois, je sais que tu vois, comment dire, je vilipende beaucoup Legends of Tomorrow, mais là, vraiment, vraiment, ils ont mis le paquet, tu vois. Ah là, Genre, dans le foutage de gueule, c'est méga chaud. ils C'est sont méga allés chaud. très loin. Très, très loin. Trop loin. Et là, tu vois, autant parfois je pouvais rire, là, cette fois, ça m'a vraiment énervé. Non, et puis bon, après, tu vois, j'ai laissé Arrow, mais bon, j'ai pas des échos encore fabuleux sur Arrow. Donc voilà, enfin, tout ce qu'on a là, le CW-verse, etc. Et enfin, des quatre séries, même Supergirl, Arrow, tu vois, les Legends of Tomorrow, Flash, bah, bon, et puis d'un côté, Agents of Le Shield. retour de Supergirl était horrible. Donc bon. Je trépigne, hein, je trépigne, je vous laisse vous exprimer. Je donnerai mon avis après. Léo, du coup, Arnaud, toi, sur ton petit bilan de ce début de saison, du coup, puisque Léo a fait le sien, est-ce que tu partages sur ce que Ça tu va as être ou est-ce que tu as des court. désaccords? Ah bah non, je suis d'accord avec lui. Et c'est pas pour rien que j'ai deux épisodes de retard sur Agents of Shield et Flash. Comme je l'avais dit, Arrow et Legends of Tomorrow, c'est terminé depuis l'année dernière. Et puis bah Supergirl, non, j'ai pas vu le deuxième parce qu'il faut pas déconner, j'ai autre chose à foutre. Hein. Ce sera pour plus tard aussi. Mais ce retour était une horreur. Hein. J'avais envie de fracasser mon ordinateur comme jamais. Bah déjà ce Superman, j'ai l'impression de me voir dans un costume d'Halloween de Superman, tellement il va pas dans le costume. Et encore, hein, il est mieux qu'en Clark, en Clark Kent. Hein. Ouh là là, j'ai envie de le frapper, mais alors, hein, Kara au début de la série, c'était un cran au-dessus quand même. Elle était quand même mieux. Là, j'ai envie mais de le frapper quand il fait semblant d'être, enfin, il fait semblant. Alors, il Il fait essaye de ça. jouer. Il fait semblant d'être clumsy, d'être comment? Maladroit. Voilà, maladroit, merci. Il fait semblant d'être maladroit, mais par moments, il est quand même réellement maladroit. Non mais. C'est tellement mal joué, c'est tellement mal écrit, introduit. Pour te dire, je sais même plus. En dehors de ces interactions avec Supergirl, je ne sais même plus ce qui se passe dans l'épisode. À un moment, il sauve un avion, c'est tout ce que je me souviens. Tellement je me suis ennuyé. Ah, puis si. Enfin, c'est peut-être un peu spoiler, mais M'en fous, vas-y. il y a un nouveau rebondissement avec Jimmy Olsen. J'ai envie de leur dire, mais. Putain, les mecs et les femmes, je pense qu'il doit y avoir peut-être des scénaristes femmes derrière. Mais putain, les bandes de débiles, vous nous faites chier une saison entière, 20 putains d'épisodes sur vont-ils ou vont-ils pas sortir ensemble? Je t'aime, moi non plus, je suis avec la sœur de Loïs, je peux pas épiser mon grand amour, mais tu es mon grand. Enfin, ils nous ont fait chier pendant 20 épisodes pour finalement, moi aussi je t'aime, sortons ensemble, ayons un premier rencard. Premier rencard, 3 secondes, fin de l'épisode, finalement on peut plus être ensemble. Non mais enfin. Vous ne m'avez même pas laissé une putain de chance. Non mais c'est la CW et les histoires d'amour, c'est une C'est catastrophe. juste pour compliquer les choses alors qu'il n'y a rien à compliquer. Non mais enfin de toute façon dans Flash, ils ont cru, tu vois, les mecs après 3 saisons croient encore que Iris West est visiblement un bon personnage et que du coup il faut absolument, tu vois, accentuer le truc avec Barry comme si on n'avait pas compris, tu vois, déjà ça. Alors déjà que Candice Patton joue super mal, qu'elle est horripilante, mais à tous les niveaux. Et là, ils accentuent. Putain, dans ce Flashpoint, tu vois, Ah mais c'est le premier, qui est une j'ai vu insulte au le comics. premier épisode, je suis d'accord, c'est une insulte à nous, à notre intelligence. Voilà. Et les mecs n'ont pas compris, tu vois, ils Comics. n'ont pas lu les comics, ils n'ont pas lu ce qui fait le sel, tu vois, de tous ces personnages, de tous ces trucs et tout. Tous les acteurs sont nuls, du début à la fin, de A à Z. Et alors, le truc, en effet, avec Iris et Barry, c'est que, putain, genre, on est dans Flashpoint et tout, il se passe déjà rien. Et genre, leur gros truc, c'est que Iris prend Barry à part et lui dit, on se connaît, hein, et on a de l'amour entre nous dans un autre univers, Je le etc. sens, oui. Mais stop, quoi, stop. Et en plus, ça continue. L'épisode 2 est pas meilleur. L'épisode 3, je sais même pas si je l'ai vu. Tu vois, c'est-à-dire si je. Voilà, enfin, je crie de rage devant tant de gestion aussi insultante. Ah, mais je vous l'avais dit à la fin de la saison. Je vous l'avais dit, c'est Berlanti. Même pas sûr de continuer Flash. Vous étiez tous devant Flashpoint, mais je vous avais dit, hein, Berlanti. Je suis pas sûr de finir la saison parce que je suis en colère contre des gens. J'adore Flash, j'adore le personnage, mais là c'est trop. Tu vois, enfin, il y a des choses. Tu vois, j'ai fait des compromis avec la série parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas, des choses que j'aurais voulu voir d'une autre manière, etc. Là, c'est pas possible. Là, je peux pas fermer les yeux sur ça. Un Flashpoint, je spoil pas trop quand même, mais ils ont tout enlevé juste pour garder une caractéristique du Barry quand il remonte le temps, etc. Enfin voilà, juste pour servir le petit intérêt personnel de série un peu teen, débile, bas de plafond, etc. Enfin, c'est pas possible. Non mais la CW se moque de nous, hein, entre Legends of Tomorrow, ce Flash là, Arrow, voilà, Supergirl apparemment. Bon, moi de toute façon, j'ai lâché depuis un certain temps. Et voilà, et puis même Agents of Shield, on dirait qu'ils ont décidé de changer complètement, de changer de série, quoi, et de se dire ouais bon bah alors Doc. C'est la dernière, allons. Ils se sont dit qu'ils allaient insister sur Daisy Johnson, qui est pourtant un personnage relativement agaçant par plein d'endroits. Et ils continuaient, ils appuient toujours là parce que, bon, enfin, ça c'est très américain, tu vois, le tragique facile, l'espèce de tirer, enfin, la manière de tirer les larmes. Non, c'est une grosse déception. Faut de la merde un peu. Vas-y, Mathieu, viens t'amuser. Je vous écoute avec passion et tout à l'heure, ça, j'ose même pas vous interrompre. Alors, si je devais faire mon petit classement des séries depuis le début de la reprise, et c'est vous dire, ce classement va vraiment révéler à quel point on est dans la merde. Quoi. Vraiment. Luke Cage serait en première place. Bien sûr. Ah oui, j'avais oublié ça. Et après, et ben ouais, après je mettrais Supergirl. Et puis juste derrière Supergirl, et ben je mettrais peut-être même Arrow. parce que en fait c'est celle que je regarde quasiment immédiatement quand elles sont dispo, c'est ces deux-là par rapport aux autres, parce que je sais à quoi m'attendre avec elles déjà, donc forcément il y a une espèce de confort. Supergirl, je l'ai pas trouvé dégueulasse, moi, son arrivée sur la CW, je la trouve plutôt réussie. J'ai mis Olsen, s'il te plaît. Oui, mais forcément, oui, mais on est sur CW, on est avec Greg Berlanti, voilà, fallait pas s'attendre à ce qu'ils soient. Alors, ils ont des bonnes séries aussi sur la CW. Ils ont mis plus de deux saisons avec The Flash, donc voilà, à un moment, on se doute bien qu'elle a pas ce problème. C'est pas la CW. Et son destin, de toute façon, n'est pas d'être avec Jimmy Olsen pour moi. Ah, mais non, mais quand même, tiens pour moi, grâce quand même à une Mélissa Benoît qui est de plus en plus sympathique, moi je la trouve de plus en plus sympathique dans le rôle, à un personnage de Winshot. Que j'adore. Enfin, Win, j'aime beaucoup ce personnage. Enfin, voilà, il arrive à nous placer une réplique de Star Wars par épisode, quand même, en ce moment. Voilà, dans une série DC Warner, s'il vous plaît. C'est autre chose que à ses débuts quand il faisait des blagues homophobes. Hein. Donc, clin d'œil au deuxième épisode où il nous place une réplique de Yoda en prenant la voix de Yoda. Enfin, moi, j'ai adoré ce moment-là. donc, voilà, le personnage est intéressant. Oui, enfin, ça en fait deux. Maintenant, il y a une page qui va se tourner parce que, bah voilà, je vais le spoiler, hein, puisqu'on le sait, hein, que l'actrice sera moins présente sur la saison 2. Cat Grant quitte la ville temporairement, définitivement. On ne sait pas, elle va revenir, on s'en doute, mais voilà. Et du coup, je redoute un peu les épisodes sans elle. Ouais. Parce qu'elle apportait quand même un petit quelque chose d'assez cool, d'assez sympa. Ses interactions. Cette scène avec Mélissa Benoît était géniale. Sympa, voilà. Ses interactions avec Mélissa Benoît étaient sympas. Ses interactions avec d'autres personnages, même comme Win ou tout, étaient plutôt sympas. Et voilà, je pense que son départ va faire pas mal de mal à la série. Donc j'en suis à espérer que Kalissa Flockhart revienne vite. Et rappelez-vous ce que je disais sur elle dans le pilote quand même. Voilà. Elle va revenir en novembre-décembre. Oui, elle va revenir après le crossover. Va revenir parce que c'est un moment important aux États-Unis. Et donc elle laisse quand même sa place à la tête de Catco parce qu'elle quitte du coup. Un mec, je crois. Oui, un mec, oui. Un mec que tu aimes beaucoup, un mec black. Voilà. Non. J'en dis pas plus, tu as compris de qui il s'agit. Non. Un black, il n'y en a qu'un dans la série. Enfin, non, ah, mais je crois qu'il y a un nouveau personnage. Non, il y en a deux dans la série des blacks. Ah, d'accord. Il y en a qu'un qui travaille pour Catco, donc voilà. C'est un nouveau personnage. Moi, le Superman, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, franchement. Il est plutôt cool, parfois trop cool. Il y a un moment où j'ai l'impression qu'il se la joue un peu trop à la cool, un peu trop. Ouais, je suis Superman, je suis hype, machin. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est l'acteur? Il est un peu trop confortable. C'est Peut-être que l'acteur se sent trop confortable dans le costume, mais aussi je pense que la manière dont il est écrit est comme ça aussi, et qu'ils ont voulu le rendre super. Ils ont voulu, je pense, hein, ils ont voulu prendre le contre-pied du Superman d'Henry Cavill, qui est un Superman super sombre, super triste par moments. Et là, ils ont fait un Ah, perso. c'était pas possible dans la Ils ont fait tout série. le contraire. Ils ont poussé tous les curseurs dans la joie, dans la blague, dans la coolitude, etc. Et du coup, bah, certes, moi, C'était un c'est peu je fake. suis plus en confort avec un Superman lumineux parce que c'est le Superman que je me représente, un Superman qui doit dégager de l'espoir, de la joie, de la bonne humeur, etc. Même s'il a des fois des choses dures à vivre dans ses combats, il a quand même cette grande part de lumière. C'est un héros hyper lumineux, Superman. Et du coup, voilà, moi, je suis plus confortable avec ça, mais le curseur est poussé un peu trop loin pour le coup. Pour Tyler O'Klin, bon, bah voilà, c'est Tyler O'Klin, on va pas non plus lui demander de. C'est. Voilà. Dans son rôle précédent, il avait l'habitude de juste se foutre à poil et fermer sa gueule. Ah ben là, il Faut n'est pas lui pas à poil du tout. demander. Il n'y a aucun Ah moment où on non. ne voit un morceau de chair ou quoi. Justement, avant on lui disait de se foutre à poil et de fermer sa gueule, Ce on qui peut est pas lui étonnant, demander un miracle, ce qui hein. est étonnant aussi vis-à-vis de la CW, c'est qu'on lui ait pas demandé de déchirer son costume. Oui. Parce que de toute façon, il n'y a aucun personnage sombre sur la CW, faut pas se mentir. Ils savent pas jouer de toute façon les personnages sombres. Quand ils essayent, c'est Il y en lamentable. a quelques-uns quand même, mais bon, c'est un peu. Oui, mais bon. Pas forcément dans l'univers super-héroïque. Voilà. Du Non, coup, non, mais voilà. c'est dans l'univers héroïque. Moi, Supergirl, je trouve pas le retour raté, et par rapport au reste, ça reste quand même plus plaisant pour moi de le regarder, et c'est dire ce que doit être le reste, quoi. Oui. Arrow, il y a des choses intéressantes qui se passent. Le Oliver Queen maire, voilà, il est pas mal. Ah, il a gagné. On le sait à Il la fin de la apparaît saison, comme hein, mère dans qui prend le fauteuil. Voilà, il est plutôt pas mal. Il a du mal à gérer la vie de mère, la vie d'Oliver Queen, plus la vie de Green Arrow. Il a plus d'équipe, mais il se rend compte que sans équipe, voilà. Enfin, c'est Felicity qui lui fait s'en apercevoir, qui lui ouvre un peu les yeux. Il y a des choses un peu intéressantes. On semble revenir à des choses un peu plus city-centric, voilà, comme on les appréciait plus dans les premières saisons. Maintenant, c'est pas le niveau des premières saisons, c'est clair, c'est toujours pas très bon, mais ça relève un peu la tête et du coup, voilà. Bon. Après, on arrive à Agents of Shield. Agents of Shield, je suis un peu d'accord, quoi. C'est une autre série. On n'est plus dans la même série. Franchement, les deux premiers épisodes, je me suis dit, ok, allez, encore un et j'arrête, quoi. C'est pas la série que j'aime regarder, c'est pas les personnages comme j'aime les voir. Fitz n'était que l'ombre de lui-même, et les autres aussi. Voilà. Maintenant, il y a eu ce quatrième épisode, je crois que c'était le quatrième qui a été diffusé la semaine dernière, qui, ma foi, pourrait lancer la saison, sur les conséquences qu'il pourrait avoir au sein de l'équipe, etc. Bon, je me dis, allez, je vais peut-être continuer un peu pour voir. Parce que je retrouve un peu des choses que de ce que j'aimais avant. Mais ouais, bon, le Ghost Rider, je le préfère en Robbie qu'en Ghost Rider. Bon. Après, sa relation avec Daisy est plutôt intéressante. Hein. Encore que. Bref, voilà, c'est mi figue mi raisin sur la Jeune Sophie, alors que vraiment, l'année dernière, c'était quand même quelque chose. Flash, Léo, toi, tu conchis le Flashpoint, y a pas d'autre mot. Il y a ça. Moi, pour moi, est-ce que c'est parce que je suis. Je sais pas. J'ai un peu baissé mes attentes ou quoi. Enfin voilà, dans l'univers de la CW, dans l'univers qu'on a, écrit par Greg Berlanti, avec les données que l'on a actuellement dans cet univers-là, je suis pas sûr qu'ils auraient pu faire mieux. Je suis pas sûr qu'ils auraient pu faire un meilleur Flashpoint. Hein, parce qu'un Flashpoint sans Batman, un Flashpoint sans Wonder Woman, sans Aquaman, sans. Ah non, ça c'est. Bah si, c'est Flashpoint. Voilà, un Flashpoint sans ces personnages-là, déjà de base, c'est pas un Flashpoint. Donc après, ils ont gardé ce qu'ils ont pu pour le faire avec les données qu'ils avaient eux dans leur univers. Et au final, je. Mais ils auraient pu quand même l'écrire d'une meilleure manière, déjà en faisant durer plus longtemps. Ah oui, non mais ça c'est sûr. Mais après, vu la manière dont Plus ils l'ont longtemps. fait et les intentions qu'ils ont, à mon avis, derrière, voilà, ils pouvaient pas le faire plus longtemps. Et puis je pense qu'on serait emmerdé. Oh, j'aurais pu casser ma télé surtout. Maintenant, voilà, pour moi, avec les données qu'ils ont, avec ce qu'ils ont dans leur univers, ce qu'ils peuvent utiliser, ce qu'ils peuvent faire, etc., c'est, je pense, la manière de s'en sortir en ayant la tête la plus haut possible, quoi. C'est. Je suis pas sûr qu'ils auraient pu faire mieux, franchement. Donc du coup, je l'accepte un peu mieux, même si bon. Après, moi, ce que j'aime, ce que j'apprécie, c'est le personnage de Tom Felton, Ah bah ça oui, encore. qui est plutôt sympa. Même si voilà, je suis désolé, mais ça y est, on sait qui c'est, quoi. Enfin, c'est bon. Bah c'est forcément le méchant. Suffit de connaître la manière d'écrire de Berlanti, nous l'a servi pendant 2 saisons. A priori, il n'est pas parti pour changer, vu comment il construit les choses sur la saison 4, saison 3. Voilà, on a Mais même compris. moi qui n'ai pas vu l'épisode où il apparaît, même au moment du casting, tu devinais que c'était lui le méchant. Évidemment. Mais je sais que c'est lui. Tu Donc on va prends l'ancien attendre. Draco Malfoy, s'il te plaît. On va attendre, hein, mais bon, voilà. On se fait pas trop de mystère quant à l'identité du personnage qui est pour le moment masqué. Après, oui, Iris, oui, machin, tout ça. Bon, ok. Moi, ce qui me dérange plus, c'est on a eu que 2 saisons de Flash, et déjà, ils ont été obligés de relancer la machine avec cet artifice de Flashpoint pour modifier des personnages, pour faire avancer certains, pour corriger des choses qu'ils avaient fait sur d'autres, etc. Déjà, au bout de 2 saisons, ils ont été obligés d'utiliser ça, d'utiliser cette espèce de petit relaunch entre 2 saisons, comme Fringe l'avait fait à la 4e saison, comme d'autres séries l'ont fait également. Moi, je trouve que quand tu fais ça au bout de 2 saisons, c'est quand même indicateur d'un certain problème. C'est sûr, il manque d'idées, très probablement. Ils se sont dit, allez, Flashpoint, c'est le bon compromis entre relaunch et faire plaisir aux fans, parce que c'est quand même un arc super important. Et voilà, ils se sont assis dessus. Bon, après, ça va apporter des choses intéressantes, je pense, mais bon, on les attend. Ouais. J'espère que tu te fais pas trop d'illusions concernant Wally West, hein, parce que. Oh non, non, je m'en fais pas parce que merci DC Rebirth. Je sais maintenant que le Wally West New 52, le Wally West Black n'est pas le Wally West, donc c'est très bien. Je peux me dire que celui-là non plus n'est pas mon Wally du coup. Donc voilà, bon. Après, j'en arrive à avoir hâte que Walking Dead revienne. Hein. Ah non, faut peut-être pas exagérer. À la limite, je Se préfère posera encore encore. la question de si je vais regarder ou pas. C'est cette nuit aux États-Unis, parce qu'on est le 23, on est le 23 octobre. Et voilà, c'est cette nuit au retour, et ben j'arrive presque à avoir hâte de mettre au CS demain soir, quoi. C'est triste, hein? Tu te rends compte? Pauvre. Parce que vraiment, ce qu'on nous sert depuis ce début de saison, bah ouais, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est chaud, c'est chaud. Et je parle même pas de Legends of Gotham, parce que là, franchement, on n'aurait pas assez d'une émission. Mais tu te rends compte que toutes les séries, là, sans déconner, alors moi je reste fan de Gotham et c'est la seule qui me fait toujours bien plaisir là parmi les trucs. Mais en fait, enfin, quelque part, Gotham, elle est un chouïa différente parce que c'est pas, tu vois, un traitement de super-héros ou quelque chose. Enfin, il y a un traitement qui est un peu différent entre Gotham et toutes les séries de la CW, par exemple. Mais dans toutes les séries, tu vois, super-héroïques, enfin, Berlantiverse, CW-verse, etc., c'est du raté à tous les niveaux ou quasiment, tu vois, ou médiocre à la limite. Ah bah là oui, on s'est pris quand même une sacrée gamelle niveau qualité, et voilà. Et c'est l'année où je pense que je regarde le moins les séries adaptées de comics avec de l'attention, et où je regarde le plus les séries autres avant. Il y a plein de trucs que j'ai regardés qui ne sont pas des adaptations de comics, et pour lesquels j'ai même du retard et qui sont assez anciennes, et que je regarde avant de regarder l'épisode de la semaine de Agents of S.H.I.E.L.D. ou de Flash, ou voilà. Dire. Et dire qu'en plus on a Légion qui arrive bientôt, j'espère que ça va relancer le niveau et je pense que oui. Oui, ben ça, je suis pas sûr. Mais enfin, on verra. Et puis on a Riverdale qui arrive. Peut-être que le salut est ici, finalement. La CW, hein, fais attention. Ouais, mais Riverdale. Allez, à suivre pour tout ça. On va peut-être parler quand même de ce dont on voulait parler depuis le début de cette émission, quand même, parce qu'on est en train de divaguer. Mais alors, c'est pas mal, ça fait un petit point sur tout ce qu'on a vu récemment. On va revenir vraiment, vraiment cette fois plus loin en arrière. On va reculer de 8 ans, puisqu'on va partir en 2008 avec le film d'animation Justice League, The New Frontier, qui n'est jamais sorti en France. Hein, il faut le dire, c'est jamais sorti en DVD en France. Non, Ça fait partie de ces films d'animation DC et Warner qui sortent en direct ou DVD, mais qui a eu quand même droit à une diffusion en avant-première à l'époque sur Cartoon Network. Voilà. En avant-première, non, parce que c'était après la sortie du DVD. Mais bon, bref, il y a quand même une diffusion télé pour ce film. The New Frontier, avec au scénario Stan Berkowitz et Monsieur Darwin Cook, puisque c'est évidemment l'adaptation du comics de cette légende qui est Darwin Cook, comics The New Frontier. Réalisé par Dave Bullock, donc sorti en 2008, qui dure 75 minutes. Est-ce que l'un de vous a le casting sous les yeux, le casting voix? Oui, je l'ai en Parce qu'il y a partie. quand même, il y a quand même de sacrés noms. Parce que quand même, moi, ce qui m'a fait kiffer en revoyant le film, parce que je l'avais déjà vu en fait, mais je me souvenais plus du titre, mais en étant fan de Twin Peaks, savoir que c'est Kyle MacLachlan qui double Superman, ça c'était quand même bien. Neil Patrick Harris en Flash, ça c'est quand même de la grande Il est pas jouissance. mal, hein. Il est pas mal en flash, au niveau casting vocal. Ça. Et les Bah, autres. David Boreanaz en Green Lantern Hal Jordan, donc Ouais, c'est lui le qui. Angel de Buffy, quand même. On peut Lucy citer Lawless Lucy Lawless, en quand Wonder même, en Wonder Woman. Woman, voilà, Xena. Xena la guerrière. Voilà, Xena la guerrière qui joue maintenant Wonder Woman de l'Amazon. Jérémy Sisto en Batman. Brooke Shields en Carol Ferris. Et puis voilà, Miguel Ferrer, Don Toms. tout un nombre de personnages, avec Joe Mantegna qui joue le rôle d'un crooner notamment. Voilà. Voilà pour le casting. On peut parler des nominations et des prix qu'a remporté, enfin des nominations, parce qu'il n'a pas été récompensé. Il a été nommé pour les Emmy Awards en 2008, nommé pour les Motion Picture Sound Editors en 2009 et nommé aux Annie Awards en tant que meilleur film d'animation en 2009. Voilà, donc Quand même. c'est pas fréquent que les films dérivés des comics, enfin des films d'animation soient nommés comme ça. Ça mérite d'être souligné. Toi qui connais un peu l'Amérique, son histoire, etc., Léo, sais-tu d'où vient ce titre de New Frontier? C'est la conquête de l'Ouest. Ah, c'est pas la référence. C'est la nouvelle frontière. La première fois que ce mot était employé, New Frontier, c'était par John Kennedy quand il a accepté l'investiture à la Convention démocrate en 1960. Et il a fait un discours sur cette nouvelle frontière, qui est le discours formulé par le président à la fin du film d'animation. Ah oui, c'est vrai. Oui, non. Oui, d'accord. Je le savais pas. En fait, j'ai dit frontière parce que il y a, enfin, le cinéma américain a beaucoup. A été beaucoup poussé, oui, vers l'ouest, etc. Et ben Oui. là, c'est cette nouvelle frontière de l'espace, du coup, et de Ah, bah l'inconnu, oui, et bien voilà. sûr. D'accord. Non, mais Et oui, du c'est coup, la phrase du président Kennedy en français, dans son discours, c'est « Mais je vous dis que nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière, c'est un des domaines inexplorés de la science de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites, et les questions laissées sans réponse de la pauvreté et des surplus. » Voilà la phrase de Kennedy où il parle de cette nouvelle frontière dans son discours, qui est reprise dans le film. Hein, ce discours est prononcé par le président à la fin du film, par le président américain de cet univers-là. Et c'est un discours qui, quand même, donne des valeurs. Enfin, voilà, oui, on parle de l'espace, oui, on parle de l'inconnu, de domaines inexplorés, mais on parle aussi de paix, de guerre, d'ignorance et de préjugés. Et il en est question dans le film, vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des héros, vis-à-vis de plein de choses. Et voilà, et cette espèce d'appui sur un fait politique des années 60 est assez intéressant, je trouve. Oui, non. C'est quand même des moments marquants dans l'histoire de la politique américaine, qui était avant donc l'exploration constante de l'Ouest américain, ses terres, etc. Et puis après la conquête de l'espace, parce que Kennedy, c'est quand même C'est ça, quoi, c'est la. années 60, enfin début des années 60. Le projet Reaganien, c'est 20 ans plus tard, enfin pour son projet Guerre des Étoiles. Mais déjà, quand tu sais que Kennedy, ça a été le problème des missiles de Cuba, la menace qui viendrait aérienne, et, à la fois sol et air de la part des États-Unis, la bataille idéologique avec l'URSS qui elle-même déjà a devancé les États-Unis après dans la conquête de l'espace en envoyant un astronaute. Voilà, donc il y a une empreinte idéologique qui est très intéressante avec elle. Alors, de quoi parle quand même ce film d'animation, hein, puisqu'on est en train de parler du discours de Kennedy. Certes, il est intéressant et il a sa part d'importance dans l'œuvre, mais de quoi ça parle? On se situe à la fin des années 50, ou la fin des années 50, a priori, début des années 60. Fin des années 50, apparemment, je vois. Parce que oui, on parle de macartisme, donc forcément. Et ouais, donc les super-héros de la JSA ont été forcés de prendre leur retraite, voilà, d'arrêter, de raccrocher. Il y a juste Superman et Wonder Woman qui bossent encore pour le gouvernement. Et puis Batman qui lui reste Batman et fait tout ça, voilà, dans la pure illégalité, comme il a toujours fait finalement. Et puis on va avoir l'émergence de nouveaux héros qui vont un peu venir les remettre ces personnages-là sur le devant de la scène. Et puis surtout d'une menace qui semble enfouie dans l'histoire de l'Amérique et du monde depuis des millénaires et qui va se révéler, cette menace qui est le centre ou le milieu, comment ça s'appelle, Le centre. the center, ouais. Voilà, le centre de quoi, le centre d'où, de qui, enfin voilà, c'est assez flou au début, et puis ça prend la forme de créatures assez dantesques sur la fin. Voilà pour le synopsis de ce film. Et ben, question habituelle, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un animé qui est assez différent dans son ton, dans son rythme, dans sa manière d'être, dans sa manière de traiter ses héros que beaucoup d'autres animés comme les classiques Flashpoint ou les Justice League qu'on a pu voir à la télé ou même les animés Batman, etc., où il y avait vraiment une direction qui était donnée par rapport à un héros, par rapport à un truc. Là, c'est vraiment un tout, un univers, un truc, tu vois, enfin, ça passe de Superman, enfin, d'un échange entre Superman et Wonder Woman au fond de la forêt d'Amazonie à une menace de Captain Cold qui vient menacer Iris et donc Flash qui... qui revient. En même temps, tu as un espèce de truc sur Martian Manhunter, un peu incertain, toute l'histoire autour de Green Lantern, etc. Je trouve qu'il y a une idée intéressante d'exploration un peu de ces membres de la Justice League d'une autre manière, en fait, d'autres visions, voilà, enfin, par quelque chose d'un petit peu idéologique, par quelque chose de réunion autour du drapeau américain, du sous-américain, d'espèce de réunion autour de valeurs, parce qu'on est au macartisme, la chasse aux sorcières, etc. On veut surtout virer les communistes. Donc, enfin, le film a un parti pris sur cette idéologie qui est plutôt pas mal. Le rythme est vraiment surprenant, en fait, et du coup, tu sais jamais, enfin, si t'aimes ça, si ça t'intéresse, en même temps, si ce que tu attendais, parce que ça reste quand même un film d'animation avec des super-héros, etc. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est, enfin, la première fois que je l'avais vu, en même temps, je me souviens, j'étais assez fatigué, donc je l'avais pas vraiment bien apprécié. En le revoyant là dans de bonnes conditions, j'étais plutôt intrigué, quoi. C'était intéressant. Ça explore pas mal de pistes, peut-être beaucoup pour un film d'une heure et quart. Mais voilà, qui tient vraiment grâce à ce propos qui est plutôt intéressant à suivre, plutôt intéressant, enfin, auquel on aime bien s'intéresser. Les personnages sont bien doublés et donc bien personnifiés, hein, voilà. Kyle MacLachlan, tu vois, qui est l'ancien agent Cooper, etc., de Twin Peaks, en Superman, je trouve que c'est quand même un bon choix. Neil Patrick Harris en Barry Allen, bah, ça colle bien au personnage, quoi. Ça le rend un peu cool, etc. Tous les personnages ont leur substance et s'inscrivent bien dans ce côté un peu idéologique. Donc, ouais, non, j'ai pas trop mal aimé. Moi, ouais, voilà, c'est un animé sympathique. Et toi, Arnaud? Bah, pareil, c'était plutôt intéressant. Déjà, tu l'as dit, le changement de ton. L'animé est quand même très violent, enfin, plus Ouais, violent c'est violent. qu'on a l'habitude de voir. Déjà, on voit du sang, ce n'est pas Oui, forcément le cas. il est hyper violent par rapport à d'autres, Et ouais. très graphique, ouais. Mais donc, ça change quand même. Tu sais tout de suite que tu vas parler d'un sujet plus différent, plus adulte, peut-être plus mature. Et oui, dans l'ensemble, je suis complètement d'accord. Je vais pas me répéter, mais je suis d'accord avec Léo. La manière de présenter cette nouvelle présentation des membres de la Justice League, il y avait un aspect assez rafraîchissant de voir une sorte de dystopie, d'une version dystopique de la Justice League, avec un Batman dans l'illégalité, un Green Lantern qui ne l'est pas encore, un Flash assez en retrait par rapport aux autres super-héros, assez nouveau, par moments pas forcément sûr de lui. Enfin, il y a quelque chose d'assez rafraîchissant de voir cette nouveauté, ou une Wonder Woman très violente, très combative. Donc ça, c'est sympa d'explorer autre chose. Pareil avec le sujet traité, le sous-texte politique. Enfin, c'était assez intéressant, innovant à voir. Et avec ce mélange en plus de ton très adulte, très mature, avec ses dessins moins précis, plus dans le style de Darwin Cook, plus cartoonesque, c'est un peu exagéré, mais moins dans la tradition qu'on a de voir des animés. Pour moi, c'est bah, voilà, pour moi, New Frontier, de toute façon, c'est avec Under the Red Hood et un ou deux autres comme ça, voilà, c'est vraiment le haut du panier de ce qu'on peut faire en animation dans les univers comics. Vraiment, voilà, c'est un des tout meilleurs qui ait pu être sorti, et c'est limite un scandale que ça ne soit jamais sorti en France. C'est un film d'animation pour adultes Complètement. qui là, et c'est vraiment, enfin voilà, on sent des fois qu'ils veulent donner des messages aux adultes, etc., qui s'adressent quand même en partie à la frange adulte de leur public, etc. Là, c'est la cible. La cible, c'est pas les enfants qui vont aller acheter des figurines. Hein. On fait un film d'animation, voilà, pour les adultes, avec un vrai sous-texte politique, avec de vrais messages. On introduit les personnages de la Justice League d'une manière plutôt fine par rapport aux autres origin story qu'on peut avoir. Voilà, c'est les origines de Hal Jordan qu'on connaît, voilà, de Green Lantern. La façon dont on nous introduit les personnages, c'est des façons qu'on a l'habitude de voir, mais la manière dont c'est fait, dont on s'est étalé dans le temps, les moments auxquels ça intervient, etc., ça tombe à chaque fois bien, et on se dit pas, ouais, c'est bon, je sais, je sais. Oui, je sais, il va avoir son anneau, oui, Abinsour, on va lui donner. Voilà. Mais là, presque on le redécouvre. Et du coup, ça, c'est, et ils en jouent même, hein, avec Green Lantern à un moment, avec Hal Jordan, puisqu'on se dit, ah, c'est là qu'il va se crasher, qu'il va y avoir un crash, qu'il va avoir son truc, machin. Et en fait, non, c'est plus tard. Voilà, et puis, oui, cette espèce de violence graphique assez, assez incroyable. Enfin, il y a quand même des personnages qui sont déchirés en deux, quoi. Ah, c'est Et sûr. pourtant, ça a été diffusé sur Cartoon Network. Ouais, ça a été diffusé sur Cartoon Network en novembre 2008, ouais. Donc voilà, il y a quand même c'est un film sans concession pour le coup, voilà. Voilà, moi j'ai été intéressé, voilà, j'étais interpellé à l'époque où je l'avais vu, et du coup, même chose quand je l'ai revu récemment, par l'intelligence du propos, par le fait qu'on nous donne un film d'animation, mais qu'on ne nous prémâche pas les choses, on ne nous prémâche pas l'histoire, on ne nous prémâche pas le message qu'on a envie de nous faire passer. On va référencer de vrais pans de l'histoire politique américaine. Et c'est, ouais, c'est, du coup, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Ce que disait Arnaud était juste. Je trouve que c'était en effet une manière un peu dystopique de présenter la Justice League, mais en même temps, c'est pas une dystopie totale, complètement horrible, où il se passe que des trucs hardcore, etc. C'est vraiment une manière beaucoup plus subtile, en effet, comme tu l'as dit, Mathieu, beaucoup plus subtile, beaucoup plus adulte, mature de le présenter. Quelque chose qui, quelque part aussi par sa violence un peu graphique, avec quelque chose de très comique qui rendrait honneur donc à l'univers qui bâtisse autour de ça. Comment dire, c'est vraiment très esthétisé pour faire un film d'animation qui n'aurait pas à rougir d'une comparaison éventuelle avec un film avec un vrai film, tu vois, sur en prise de vue réelle, j'entends. Donc c'est un truc à ranger en effet dans le haut du panier, dans des films qui, notamment aussi pour les amateurs de comics, est à garder de manière de manière presque sacrée, parce que c'est rares sont les films dans l'univers dans l'univers de cinéma animé qui prennent un ton aussi différent, aussi vraiment osé, risqué, etc. Et même pour si tu fais une recherche sur l'Amérique, sur ses symboles, ses héros, tout ça, ce film est à placer dans les sujets de recherche, parce que c'est quelque chose qui clairement se détache de beaucoup de choses qu'on a pu voir dans le cinéma de super-héros en prise de vue réelle et en animation depuis une trentaine d'années. Et puis ce discours, cette phrase de Kennedy là, que j'ai lu tout à l'heure, là, cet extrait du discours qui est repris à la fin du film, enfin, quelle modernité! C'est un discours de 1960, mais qui est tellement applicable aujourd'hui. Ces histoires de préjugés, d'ignorance qui causent des problèmes au monde, enfin, toutes ces choses-là dont il parle dans ce discours-là, bah, c'est encore hyper actuel. Qui est bien triste. Complètement. Ce qui est hyper triste, puisque quand on sait que le discours date maintenant de bientôt 50 ans, de plus de 50 ans même, 56 ans, c'est chaud, quoi. C'est chaud. De se rendre compte qu'on est à tel point encore dans ces mêmes conneries-là, quoi, qu'en 1960. Ça marchait très bien en 2008 et ça marche encore très bien en 2016. Oui, et ça marchera encore très bien en 2020, vous verrez. Oui. Donc voilà, c'est... Voilà. Et puis que l'Amérique, parfois les Américains, quand ils se replient sur leur cinéma pour explorer leur tard, ce qui s'est passé avant, etc., ce dont ils peuvent avoir honte, sont assez forts dans la manière de le dépeindre. Tu vois, là, ce retour sur le maccartisme, cette chasse aux sorcières, cette chasse au mec qui, enfin, au communiste déjà, mais aussi à celui qui est complètement anti-américain, enfin, qui est jugé, qui n'étant pas américain, parce que il prend un parti qui est légèrement en marge de ce que le discours officiel peut servir, etc. Et je pense que Kennedy, à l'époque, invoquait un nouvel espoir par sa jeunesse, par la fraîcheur qu'il voulait instiller un peu aux États-Unis, etc. Enfin, il était ambitieux, tu vois. C'était quelqu'un qui voulait redonner le un peu de enfin, qui voulait vraiment rendre ce que Trump a fait dans son slogan de campagne, là, faire rendre l'Amérique grande à nouveau. Mais Kennedy le voulait vraiment. Trump le fait aujourd'hui par la division, mais là, Kennedy, c'est ce que le film veut, tu vois. Et à la fin, c'est une réunion des héros, malgré que chacun ne soit pas du tout dans la même Il y a aussi quand même cette question aussi. Tu parles du rejet du communisme, machin, etc. Il y a aussi tout simplement juste la peur et le rejet de l'étranger. Aussi, Au-delà du communisme, il y a carrément. Incarné par Martian Manhunter. Par Martian Manhunter, voilà. Même par Flash, il y a un passage où il passe à la télé et il dit: j'arrête, les gens me voient mal, j'ai voulu utiliser mon pouvoir pour le plus grand bien, etc. Mais voilà. Et alors les gens regardent et disent: mais c'est qui ce clown, tu vois? Enfin, alors que ce mec, dans l'ombre, a travaillé à sauver la Terre des multiples fois. Flash, c'est le mec qui sauve de Brainiac quand même. Enfin, et les gens ont la mémoire, quoi, parce que ça leur fait peur. Et Après, c'est dans cet intelligemment. univers-là, je suis pas sûr que ce soit arrivé, tout ça, parce Oui, qu'on est vraiment dans un univers différent. Mais il a quand même réussi à sauver au moins sa ville et ou au moins des personnes des menaces qui pesaient sur elle. Donc voilà. Donc voilà, on a quelque chose de ouais, d'hyper différent par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, qu'on peut que vous inviter à aller découvrir, regarder évidemment ce film d'animation. Alors, je vous avoue que je ne saurais même pas vous conseiller par quel moyen le regarder, puisque ça n'est jamais sorti en DVD en version française, ça n'est jamais sorti en France. Donc vous avez le DVD original, voilà, en import. Donc si vous comprenez l'anglais avec les sous-titres en anglais, parce que je crois même pas qu'il y ait les sous-titres en français sur ce DVD-là. Vous pouvez le choper comme ça, ou bah, sinon, bah, malheureusement, vous devrez passer par des moyens un peu moins orthodoxes, on va dire. Mais voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être vu, qui doit être vu par les fans de Darwin Cook, par les fans de comics, de l'univers DC, et qui veulent des choses avec des messages un peu intelligents et bien faits. Ne vous contentez pas de Son of Batman. Non, c'est Vous avez de sûr. vrais grands, beaux films d'animation qui ont été faits et qui méritent tellement d'être vus et d'être par le plus grand nombre. Et puis vous avez évidemment New Frontier, le comics, enfin, voilà, Jamais sorti en France non l'œuvre plus. papier de Darwin Cook, qui, gageons-le, va sortir chez Urban prochainement. Enfin, j'arrive même pas à en douter que ça puisse sortir un jour chez Urban, ce truc-là. Parce que, ben déjà parce que, ben, et ça serait purement mercantile et peut-être un peu voilà, triste que ce soit comme ça, mais parce que Darwin Cook est décédé et qu'on a besoin aussi en France d'avoir une trace de cet immense monsieur. Oui, ça, ils vont le faire de leur élection. Voilà, parce que c'est quand même un mec qui aura marqué l'histoire des comics par son style de dessin, par New Frontier aussi. Et on a aussi droit en France, on a aussi besoin d'avoir ce New Frontier, cette œuvre-là à disposition, et pas uniquement en version originale. Urban, voilà, doit faire une belle édition pour ça. Malheureusement, ils ne pourront pas faire le package avec le film d'animation parce qu'il n'y a pas de version française, ou alors ils arrivent à le mettre, tant pis, en VO avec des sous-titres français. Voilà, peut-être que c'est possible. Mais on doit quand même avoir ça en France. Surtout quand enfin on tente des choses, tu vois, et on n'est plus dans le divertissement pur et simple qui s'apprécie, tu vois, mais qui soit pas, mais qui est un peu bête et méchant. Enfin, à chaque fois, de toute façon, qu'il y a quelque chose de hardcore, osé, que ce soit la violence graphique, hein, le sang montré, ou parce que bah ça doit pas vis enfin ça peut pas viser le public majoritairement ciblé, hein, qui ne nous mentons pas, pour ces films-là est plutôt enfant voire adolescent max, et ben forcément c'est pas, soit ça sort pas, soit c'est foutu au placard, soit c'est placé un peu derrière et tout, histoire de dire on l'a diffusé, mais enfin voilà, ça arrive avec beaucoup de qui viennent par exemple du monde asiatique et qui sont édulcorés par les États-Unis parce que bah ils ont peur quand ils rediffusent bah de perdre leur public, etc. Et ce film-là en a fait probablement un peu les frais, hein, quelque part. Qu'il soit passé sur Cartoon Network, c'est déjà beaucoup quand on sait que bah du coup pour le regarder aujourd'hui, bah soit il faut en effet choisir un DVD d'import, soit il faut passer par des moyens pas légaux. C'est quand même assez triste de se dire qu'il faut, enfin que certaines œuvres doivent passer petite Alors, porte pour être entendu. juste pour reposer quand même, la nouvelle frontière est sortie en VF. Hein. C'était sorti chez Panini à l'époque où ils avaient les droits de chez DC. C'était sorti en 3 volumes, qui Maintenant, ils maintenant préparent un évidemment peu. ne sont plus vendus puisque Panini n'a plus les droits DC. Et voilà, et c'était déjà épuisé de l'époque de Panini. Hein, ça date de 2005 et 2006, hein, les 3 volumes. Voilà, maintenant ils se vendent à des prix un peu déroutants d'occasion. Ça va jusqu'à 45 € hein, pour un volume qui en coûtait 3 fois moins à l'époque de sa sortie. Voilà, c'est sorti. Ça a le mérite quand même d'être sorti. Mais maintenant, voilà, c'est plus disponible Urban, voilà, a le matériel puisque ça a été traduit, c'est sorti par Panini. Voilà, ils ont le matériel, ça existe. Reproposez-le dans un beau volume unique, en couverture avec une belle couverture rigide. Voilà, un beau produit à la hauteur de ce que ça représente et pas juste 3 vieux. Panini 100%, voilà. Épuisé et complètement introuvable. C'est clair. Et ben voilà, on a fait le tour. On va pas répéter en boucle que New Frontier est un chef-d'œuvre et qu'il faut le voir. On le sait. Vous l'avez compris, je pense, maintenant. Vrai On va clore cette 249e émission. Hein, on n'avait pas du tout prévu ce programme-là. Hein, à la base, on devait parler de New Frontier et dire 2 mots de Luke Cage, et puis au final, on s'est fait une espèce de discussion comme ça, à bâton rompu, qui était, ma foi, fort agréable tout de même. non. Et du coup, voilà, ça fait du bien aussi de faire un petit point maintenant que les podcasts vont être un peu plus espacés. Ça fait du bien d'avoir ce petit moment où on se fait quand même ce petit point. On verra quelle forme prendront les prochaines émissions. Sachez que vous aurez la 250, du coup, qui arrive et qui sera, bah, la première de cette émission de review dont on vous parlait en tout début d'émission. Hein, donc vous aurez Comic Stories 2000. 2000. Non. Pas encore. On n'est pas encore au 2050. Il faudra du temps pour ça. Donc le Comic Stories 250 eh ben, sera consacré à nos bulles du mois, puisque c'est comme ça que nous avons choisi de titrer cette émission. Donc on vous parlera un petit peu de ce qu'on a lu le mois dernier, hein, donc les sorties de septembre, parce que l'émission date un peu, les sorties de septembre et de cet été, puis même des trucs encore plus vieux pour certains, il y en a qui sont allés nous déterrer des choses un peu plus anciennes. Donc voilà, vous aurez cette émission de review très prochainement, sans doute la semaine prochaine, cette numéro 250, et puis une 251 qui sera sans doute consacrée au Doctor Strange. Ah. Ça sera l'occasion de nous retrouver pour un enregistrement. Ça sera de parler du film Doctor Strange, évidemment. Et puis pour la suite, on vous tiendra évidemment au courant des nouvelles diffusions, des thèmes qu'on abordera. On ne part pas, on sera juste là, un petit peu moins souvent qu'avant. C'est tout. Merci messieurs, merci de nous avoir écoutés pour vos auditeurs et de continuer à être présents. On se retrouve donc dans une petite semaine pour nos bulles du mois et puis prochainement pour Doctor Strange. Et puis d'ici là, bonne lecture, bonne série si vous en trouvez et à bientôt. Au revoir. Salut.